Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 62. De la restitution. La restitution, acte de la justice commutative, est nécessaire au salut. À quoi elle s'étend? Ce que l'on doit restituer? À qui il faut restituer? Dans quel ordre on est tenu? Peut-on différer la restitution? 1. La restitution était l'un acte de la justice commutative. Restituer, c'est rétablir quelqu'un dans son droit. Il est clair que c'est l'un acte de la justice commutative, dans laquelle l'équité se prend de l'égalité d'une chose avec une autre. La restitution est commandée par cette justice. Soit que l'on possède le bien du prochain avec son consentement, comme dans le prêt et le dépôt, soit qu'on le possède contre sa volonté, comme dans le vol et la rapine. Note. La restitution, dans la justice distributive elle-même, a encore pour base la justice commutative, elle résulte de la comparaison entre le mérite d'une personne et la chose qu'on lui a donnée. Ce qu'on lui rend doit être d'autant plus considérable qu'elle a d'abord moins reçu. Fin de la note. 2. La restitution est-elle de nécessité de salut? Si l'on veut réellement faire pénitence, répond saint Augustin, qu'on sache que le péché n'est pas remis à moins que l'on ne restitue ce qu'on a voulu, quand on peut le restituer. Pour être sauvé, il est nécessaire d'observer la justice, conséquemment, il faut rendre ce que l'on a dérobé. Note. Si l'on ne peut rendre l'équivalent de ce qu'on a enlevé, par exemple, quand on a mutilé quelqu'un d'un membre, on doit réparer de son mieux le dommage causé, en offrant une réparation d'argent ou d'honneur selon la condition des personnes, et conformément au jugement d'un homme sage. Fin de la note. 3. Suffit-il de restituer simplement ce que l'on a pris? L'enlèvement du bien d'autrui implique deux idées, l'inégalité qui résulte du vol, et l'injure faite au prochain. La restitution rétablit l'égalité, mais elle ne répare pas l'injure. Quant à celle-ci, c'est au juge qu'il appartient de la punir. Le ravisseur n'est pas tenu, avant la sentence juridique, de rendre au-delà de ce qu'il a pris, mais, la sentence prononcée, il doit s'y conformer, en payant l'amende à laquelle il est condamné. 4. Doit-on parfois restituer ce qu'on n'a pas pris? Causer du dommage à quelqu'un? C'est comme si on lui enlevait la valeur de ce qu'on lui fait perdre. On est donc tenu de réparer ce dommage par la restitution. Mais il faut observer qu'un homme peut supporter un dommage de deux manières. Premièrement, quand on lui enlève ce qu'il possède en réalité, et alors on est tenu de réparer ce dommage par une compensation exactement équivalente. Ce qu'on demande. Lorsqu'on l'empêche d'avoir une chose qu'il est en voie d'acquérir, et, dans ce cas, la réparation peut rester en deçà de l'exacte égalité, la simple espérance n'équivalente pas à une possession actuelle. On doit, dans toute occurrence, une compensation proportionnée à la condition des personnes et à l'importance des choses. Note. Un homme qui détruirait la semence d'un champ ne serait pas obligé de restituer toute la moisson. Le débiteur qui retient, au-delà du terme fixé, l'argent de son créancier n'est pas obligé de restituer tout ce que celui-ci peut espérer de ses capitaux. Les éventualités doivent être mises en ligne de compte. Fin de la note. 5. Faut-il toujours restituer à celui à qui on a pris quelque chose? Rendez à chacun ce qui lui est dû, dit l'apôtre, le tribut à qui le tribut est dû, les impôts à qui sont dus les impôts. Romains 13, 7. La justice doit rétablir l'égalité, donc on doit restituer à celui à qui on a fait tort. Note. Si la chose qu'il faut restituer paraît devoir être très nuisible à celui à qui elle sera rendue ou à une autre personne, on ne doit pas la restituer en ce moment, car la restitution a évidemment pour but l'utilité de celui à qui elle est due. Pour les biens donnés et reçus d'une manière illégitime, comme dans la simonie, la restitution ne doit pas s'en faire à celui qui, en les donnant, a mérité de les perdre, on doit en employer la valeur en œuvre pieuse. Si un don, licite en lui-même, a été fait en vue d'une action mauvaise, telle que le libertinage, on a le droit de le garder, si on ne l'a pas extorqué par fraude ou par vol. Lorsque la restitution doit être faite à une personne inconnue que l'on a pu découvrir, on la convertit en aumône à son intention, mais si celui à qui elle est due vient à mourir, on doit restituer à l'héritier qui le représente. Fin de la note. 6. Celui qui a reçu une chose est-il toujours tenu de la restituer? Au sujet de celui qui accepte la chose d'autrui, il faut considérer la chose même qu'il reçoit et la manière dont il la reçoit. Du côté de la chose même, il y a obligation de la restituer, tant qu'on l'a en son pouvoir, la justice commutative, dans ce cas, veut que l'on retranche à celui qui a plus, pour donner à celui qui a moins. Quant à la réception de la chose, il est nécessaire d'observer qu'elle a lieu de trois manières. Parfois elle est injuste, c'est-à-dire contraire à la volonté du maître, comme dans le vol. On est tenu de restituer ce que l'on a reçu, à raison de la chose elle-même et à raison de l'injustice renfermée dans l'acceptation, et cette obligation subsiste, alors même que l'on n'a plus la chose en sa possession. Car, de même que celui qui frappe quelqu'un est tenu de réparer son injustice dont il n'a cependant retiré aucun profit, de même aussi, dans le vol, on doit non seulement rendre l'objet dérobé et réparer le dommage dont on n'a rien retiré, mais subir, en outre, un châtiment pour l'injure faite au prochain. D'autres fois, on reçoit la chose d'autrui pour s'en servir, avec le consentement du maître, comme dans le prêt. On est tenu alors de la rendre, et à cause de la chose elle-même, et à cause de la manière dont elle a été reçue. Si on la perd, on doit en restituer la valeur, pour reconnaître la bienveillance de celui qui l'avait prêtée. D'autres fois, enfin, on reçoit la chose d'autrui sans injustice et sans intention de s'en servir, ce qui arrive dans les dépôts. Celui qui la reçoit ainsi ne contracte aucune obligation en raison d'une telle acceptation, qui a seulement pour but d'obliger son prochain, mais il est obligé de la rendre, à raison de la chose elle-même. Si elle lui était enlevée sans qu'il y eût de sa faute, il ne serait pas tenu à la restitution, il en serait tout autrement, s'il y avait faute grave de sa part. 7. Ceux qui n'ont rien reçu sont-ils parfois tenus de restituer? L'apôtre écrivait aux Romains, « Ceux qui font ces actions méritent la mort, non seulement ceux qui les font, mais ceux qui y consentent. » Romains 1, 32. Pour une raison semblable, ceux qui consentent au vol sont parfois tenus à la restitution. L'obligation de restituer provenant non seulement de la détention du bien d'autrui, mais encore de l'acceptation injuste à laquelle on a consenti, quiconque est la cause d'un vol est obligé à la restitution. Cette obligation se contracte de deux manières, directement et indirectement. Directement, quand on porte une personne à dérober quelque chose, soit en lui donnant des ordres, des conseils, des approbations ou des louanges, soit en lui fournissant un refuge ou des secours, soit en partageant avec elle le butin, comme complice du vol. Indirectement, lorsqu'on ne s'oppose pas à une injustice que l'on peut et que l'on doit empêcher, par exemple, en omettant de donner un ordre qui préviendrait le vol, en refusant un conseil efficace, en ne révélant pas l'injustice commise. Cinq de ces cas obligent absolument à la restitution, à savoir, l'ordre, car celui qui ordonne est le moteur principal, le consentement, lorsque l'injustice n'aurait pas eu lieu sans lui, la protection, pour le cas où l'on a recelé les voleurs, en les patronant, la participation, dès qu'on participe au crime du voleur et au fruit de son vol, le défaut d'opposition, quand on est tenu par devoir d'empêcher le dommage. Dans les autres coopérations, on n'est pas toujours tenu à la restitution. Le conseil, la flatterie et les autres choses pareilles ne sont pas, en toutes circonstances, une cause efficace du vol. Toutefois, celui qui a conseillé ou flatté y est obligé, lorsqu'il doit juger que l'injustice a été la conséquence de ses paroles. Note. La principale obligation de restituer incombe au coupable qui a commandé l'injustice, celui qui l'a exécuté vient en second lieu, puis les autres, à proportion de leur participation à cette injustice. Fin de la note. 8. Peut-on différer la restitution? En retenant la chose d'autrui, on prive le maître de l'usage qu'il en pourrait faire, or c'est là un péché d'injustice. Il est manifeste qu'on ne doit pas, même pour un peu de temps, demeurer dans l'état du péché, et que l'on doit en sortir immédiatement, ainsi que le marque cette parole, « Fuyez le péché comme l'aspect du serpent. » Ecclésiastique 21:2. La conséquence à tirer de là, c'est qu'on est tenu de restituer immédiatement, si on le peut, ou de demander un délai à celui qui peut l'accorder. Note. L'impuissance de restituer immédiatement dispense de la restitution immédiate. On est dispensé de toute restitution, si cette impuissance est absolue. Mais on doit néanmoins demander, par soi ou par un intermédiaire, la remise de la dette, ou le délai de la restitution. Sauf le cas d'impuissance, on est obligé de restituer sans retard, ou bien on retient injustement le bien du prochain. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.